Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, une fois de plus, d'être venus aussi nombreux pour cette nouvelle séance des Voix de Femmes. Donc, c'est la fin de ce cycle Voix de Femmes qu'on a été très heureux d'animer pendant ces deux années. Et je suis très heureux, vraiment ravi que ce soit vous qui veniez le conclure, Mona Ozouf. Non seulement parce que vous êtes une grande dame d'érudition et de style, mais aussi parce que vous avez écrit ce livre qui s'appelle Les mots des femmes. Et enfin, peut-être surtout, parce que toute votre œuvre s'est bâtie, s'est déployée à la charnière, comme ça, sur une corde raide qu'on n'a pas cessé de fréquenter pendant ces deux années, à la charnière du savoir et du style, de l'histoire, pour ce qui est de vous et de la littérature, et c'était ça, les voix de femmes, c'est-à-dire la rencontre d'une écriture d'un côté, et puis de l'autre d'une émotion, d'une vibration, bref, d'une voix, et ce soir, et on la remercie beaucoup, beaucoup à notre tour d'être présente, c'est Clotilde Courreau qui a accepté notre invitation, qui va lire vos textes, et Mona, je voudrais que vous présentiez au public les deux textes, extraits de deux livres qu'on va entendre ce soir. Merci beaucoup. Le premier est un extrait de composition française sur mon enfance et en particulier sur le personnage de ma grand-mère, personnage pour moi emblématique et tutélaire à la fois. Et le second texte est un portrait de George Sand, enfin des extraits d'un portrait de George Sand pris dans les 10 portraits de femmes que j'ai égrenés dans Les mots des femmes. Et en les relisant, je m'aperçois que le premier, qui est au fond de l'ordre de l'autobiographie intellectuelle plus que de l'autobiographie véritable, enfin celui-là qui est très lié à l'enfance est en effet assez autobiographique, que ce premier récit est dans la coulée d'un récit assez simple, avec un rythme particulier. Le second s'adresse à un autre public, plutôt plus un public, disons, universitaire ou averti. En tout cas, les deux textes sont d'un registre tout à fait différent, et ça vient de m'être confirmé par Clotilde Courreau, qui m'a dit que c'était un exercice de lecture tout à fait différent d'un texte à l'autre. Pour atténuer, et pour en finir là, et pour atténuer ce sentiment un peu de dénivellation, je dirais que tout d'un coup, pourtant, la rencontre presque inopinée de ces deux textes m'a fait prendre conscience de quelque chose qui est commun. J'ai envie de dire, ça va vous faire sourire, j'imagine, qui est commun à la personne de ma grand-mère, quasi analphabète, et à la personne de George Sand. Éloigné, comme il n'est pas possible, par l'origine sociale, bien sûr, la culture, bien entendu, par la dénivellation historique aussi. Bref, deux personnages totalement dont la rencontre est complètement improbable et qui pourtant, me semble-t-il, mais c'est au fond après la lecture qu'on pourra peut-être en juger, cette rencontre dit quelque chose de ce que c'est que le féminin et donc me paraît accordée à votre entreprise générale. Effectivement, place au texte, place à la vibration, à l'émotion. Autour de vos deux livres, Mona Ozouf, c'est donc Clotilde Courreau que nous vous demandons d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements. Merci, à tout à l'heure. La Bretagne incarnée, elle est le plus souvent debout, entre l'évier et le fourneau de la cuisine. La louche du café à la main, ajoutant ou ôtant une rondelle de fonte au gré des plats qu'elle prépare, tournant la pâte à crêpes, raclant du chocolat sur les tartines du 4 heures, baignée dans la lumière d'ouest qui vient de la fenêtre. Je l'ai si souvent dessinée que l'image est nette. Elle se tient aussi droite que l'arthrose le lui permet, enveloppée dans d'immuables jupes noires et jamais sans sa coiffe. L'attacher est son premier geste du matin, bien avant l'éveil de la maisonnée. Quelle honte si le facteur venait à la surprendre en cheveux. Je ne la verrais ainsi que sur son lit d'agonisante. Son souci constant est la dignité. Nul ne songerait du reste à la lui contester. Sa règle morale essentielle est de ne jamais se mettre dans une situation telle qu'on puisse en avoir honte. Elle est la reine de la maison, pleinement consciente de sa souveraineté, convaincue que si on n'a pas grand-chose à opposer au malheur, du moins l'honneur des femmes, est d'adoucir la vie avec des gestes simples. Proposer le réconfort d'une tranche de pâté chou ou d'une tasse de café. Du café, vous aurez. C'est la phrase rituelle quand survient une visite et la cafetière émaillée à fleurs ne quitte pas le coin de la cuisinière. Telle est la figure tutélaire de mon enfance, qui nourrit, soigne, console, rassure. L'image même de la sécurité, pour moi, que la peur domine désormais. Dans le monde glaçant où nous avons été jetés, ma mère et moi. Auprès du lit d'un jeune mort, j'ai appris que tout ce qui bouge peut devenir immobile. Grand-mère, maman, le chat, Bildig. Depuis, j'ai tout le temps peur. Peur de mal faire, ou pas assez bien. Peur, si longtemps paralysante, d'ajouter au chagrin de ma mère. Peur pour elle quand, vers mes 7 ans, elle part se faire opérer, et que je lis dans ses yeux sa peur de me laisser. Peur quand vient à date fixe le monsieur de l'assurance. On m'a dit qu'en cas de malheur, il doit au moins me permettre de faire des études. Tellement peur que je parcours 100 fois en imagination les peurs dont je peux m'exempter. Le tremblement de terre, puisqu'on m'apprend en classe que la Bretagne n'en est pas menacée. La prison, puisqu'il est avéré que nous sommes d'honnêtes gens. La guerre, parce qu'à 6 à 7 ans, je suis convaincue que les femmes n'y vont pas. Et peur, toujours dès que vient la nuit. Des monstres griffus monte alors du plancher et je demande à ma grand-mère si je peux la rejoindre dans son lit, sous le gros édredon grenat qui laisse échapper ses plumes. Il y a là un moment terrifiant où le cœur bat pendant que je grimpe de mon lit vers le sien auquel il est à côté. Mais une fois l'enjambée faite et nul loup ne m'ayant tapé le mollet, blotti tout contre elle, et dans sa chaleur, plus rien ne peut m'arriver. Ma grand-mère, elle-même veuve depuis 2 ans, était aussitôt venue s'installer chez nous après la mort de mon père, pour réconforter, aider, régenter aussi la jeune veuve. Qui avait pris cette décision? Personne, ça se faisait, c'est tout. La Bretagne de cette époque ne voyait pas d'un très bon œil les remariages. Ma mère avait 29 ans, elle était jolie, elle avait été gaie. Ma grand-mère pouvait redouter quelques rencontres qui troubleraient l'ordre des jours et menaceraient sa régence. Sa présence était un gage de dignité et de décence. Elle se voyait auprès de la jeune femme comme la carabazène, la vieille bonne du curé, au presbytère. Ma mère, du reste, n'avait fait aucune objection à cette installation, qui la délivrait des soucis du quotidien, sans comprendre tout de suite à quelle vie quasi claustrale cette présence sourcilleuse allait la condamner. Quant à ma grand-mère, elle trouvait tout naturel de revivre avec sa fille l'existence qu'elle avait elle-même menée, où les hommes étaient loin, en mer ou dans la mort. Je regarde aujourd'hui la photographie des noces de mes grands-parents. Les yeux clairs et la sérénité de Marie Scolastique m'enchantent. Charles est plus emprunté, dans un veston qui le gêne visiblement aux entournures. Pour le reste, ils sont semblables à tant de mariés Léonard, vêtus de noir, sans même le brin de fleur d'oranger à la boutonnière. Mes grands-parents sont raides l'un à côté de l'autre, regardant fixement l'objectif, attestant que le mariage est chose grave. La romance, on le sent, aura peu de place dans ces vies rugueuses. Il ne se sourit pas, ne se touche pas. Ici, pourtant, la main de ma grand-mère est posée sur l'épaule de son jeune époux, dans un geste d'appropriation tranquille. Ce geste était probablement dicté par le photographe. Mais il me semble qu'il dit beaucoup de la relation entre mari et femme. Les gloses de Bourdieu sur la domination masculine auraient, j'imagine, si elle avait pu les connaître, beaucoup fait rire ma grand-mère. Les femmes, Léonard, ont la conviction de tenir les rênes du ménage. Et les tiennent, en effet. On a beaucoup parlé du matriarcat breton. Trop légèrement, sans doute, quand on veut en faire un trait constitutif et admirable de la mentalité celtique. Mais dans ce Léon rural, le lignage l'emportait sur l'union, la filiation sur l'alliance. Les femmes conservaient en se mariant leur nom de jeune fille et ma grand-mère restera jusqu'au bout Marie Bizienne, un individu doté d'une personnalité singulière, non une épouse. Ces femmes, par ailleurs, géraient l'argent du ménage, concédant aux hommes, de temps en temps, et parcimonieusement, de quoi avoir du plaisir les jours de foire ou de pardon. Cette suprématie féminine incontestée était, dans le cas de Marie Scolastique, confortée par une autorité native et par les longues absences, 18 mois parfois, du mari devenu au fil de ses campagnes sur la Victorieuse ou le Furieux, quartier maître puis second maître, mais toujours absent des décisions de la vie domestique. Ma mère et mon oncle se souvenaient des jours où l'inconnu débarquait avec sa casquette et ses galons dorés sur les manches et de la place qu'il fallait tout à coup lui faire, dans l'unique chambre où leur mère, hier encore, semblait leur appartenir. Celle-ci les surprenait presque autant que l'intrus, enjouée, tout à coup, métamorphosée, accueillant les clients d'un joyeux « Charles est arrivé !» Le soir, ils faisaient une promenade à deux, souvent à Saint-Sébastien, au bas du bourg. Charles et Marie. Marie, en appuyant vigoureusement sur le « A » et en négligeant le « E » final du français. « Sont toujours amoureux !» chuchotait le voisinage. Marie voyait cependant repartir son époux sans larmes, ni émotion perceptible par les enfants, obscurément soulagée peut-être. Avoir un homme dans les pieds ne lui convenait guère. Elle détestait ce qui rôde autour des fourneaux, soulève les couvercles, s'informe des plats. Des gens-gens, disait-elle, sobriquets qui réunissaient les encombrants et les incapables. Un Yannick, un petit Jean, désigne dans le Léon les indécis chroniques, les faiseurs d'embarras. Que chaque sexe a sa place et que chacun d'eux se ridiculise en prétendant occuper celle de l'autre était un des articles de sa foi. Irrecevable aujourd'hui puisque pour l'avoir professé, Rousseau passe désormais pour un ennemi des femmes. J'aurais pourtant tendance, contre toute attente, à décerner à Marie Scolastique un éclatant brevet de féminisme. Car si les rôles étaient pour elle clairement répartis, elle en inversait la hiérarchie coutumière. Le métier des femmes est de rendre la vie vivable. Par rapport à quoi tout le reste est inessentiel. Comme les hommes ne sauraient prétendre à un rôle aussi décisif, ils étaient, en bloc, pour ma grand-mère, l'objet d'une condescendance affectueuse. Les prêtres, eux-mêmes, n'échappaient pas à ce verdict. Elle n'était pas insensible aux attentions masculines, mais elle y voyait l'hommage de la faiblesse à la force. L'idéal, pour elle, eût été d'élever les hommes au niveau moral des femmes, à leur endurance, à leur force d'âme. Haute ambition, mais assez irréaliste pour préférer voir les hommes ailleurs, à Tanger, Dakar, Port Saïd, loin de l'Anélis en tout cas, où, après le mariage, le jeune couple s'est installé. De cette personne énergique, qui aimait voir autour d'elle le monde en ordre, on n'aurait attendu aucun élan subversif. Existait pourtant chez elle, difficilement raccordable au reste de son comportement, une malice libertaire. Ses sarcasmes s'exerçaient toujours contre les grandeurs d'établissement. Sa sympathie allait aux insoumis. Elle nourrissait une tendresse railleuse pour le vagabond du village, un certain Goaker, pêcheur et vendeur de crevettes, tapageur nocturne, auteur de chansons scandaleuses sur les maris dont il donnait les noms, ceux des trompés comme des trompeurs, ceux qui l'affirmaient avoir croisé en goguette dans les rues chaudes de Toulon et de Marseille. Ma grand-mère racontait avec délectation les démêlés de Goaker avec la maréchaussée. Celle-ci, sur le chemin de la prison de Brest, où elle accompagne l'énergumène, est à vélo, lui à pied. Dans la descente du pont du Châtel, Goaker va au pas, forçant les gendarmes à freiner. Quand s'annonce la côte de Goénou, il s'élance comme une flèche sur ses pieds nus, eux s'époumonnent, transpirent, mettent pied à terre, poussent leurs lourdes bécanes. Il les attend là-haut, perchés sur le talus, saute au milieu de la chaussée les bras en croix quand ils arrivent enfin et joue l'agent de la circulation en leur ouvrant le chemin d'un geste large. Quand je lirai plus tard la vie de Jésus, je repenserai à la solidarité étrange de ma grand-mère avec Goaker. Renan explique pourquoi le sentiment populaire d'hostilité à l'égard du gendarme est si vivace en Bretagne. Le gendarme est considéré, écrit-il, avec une sorte de répulsion pieuse, car c'est lui qui arrêta Jésus. Cette femme réaliste, qui ne s'autorisait pas de plainte, parlait peu de ses sentiments. Elle avait eu un grand chagrin dans la vie, la mort d'une fillette de 5 ans, enlevée par une méningite cérébro-spinale, 20 jours avant la naissance d'un nouvel enfant. Ce fut une fille, qu'on appela donc Anne, comme la petite morte, et qu'on ne cessa plus de comparer à l'aînée, dont chacun vantait le charme, la vivacité et l'intelligence. Ma mère savait qu'après la mort de cette autre Anne, le petit frère de 3 ans avait longtemps réclamé sa compagne de jeu. Lui disait-on qu'il avait à nouveau une petite sœur, il rétorquait « Ce n'est pas celle-là que je veux ». Ma mère s'était donc toujours sentie évaluée à l'aune de l'éblouissant souvenir d'une absente et en gardait quelques rancunes à ma grand-mère. Elle n'en avait pas moins de reconnaissance pour celle qui lui avait ouvert le chemin des études et de l'indépendance matérielle. Ma mère, une fois entrée à l'école primaire supérieure de Quimperlé, ne revenait à l'Annelys que 2 fois dans l'année scolaire. Ma grand-mère consentait à cette absence sans récriminer, détermination notable à une époque où on répugnait à envoyer une fille au loin. Elle montrera la même audace quand ma mère, empêchée de se présenter à l'école normale de Quimper, à la suite d'une primo-infection, devra concourir dans les Côtes du Nord, autant dire à l'étranger, et entrera à l'école normale de Saint-Brieuc. Comment ma grand-mère en était-elle venue à cette décision remarquable ? Malgré tout, et d'un bout à l'autre de la vie, elle considérera le travail intellectuel avec une condescendance amusée et logera ailleurs la réussite d'une existence féminine. « Quand vous aurez fini de jouer avec vos livres, » nous disait-elle à ma mère et à moi, résignée malgré tout à ce que ce jeu n'ait point de fin. Sa présence à la maison enseigne donc que les livres ne sont pas la seule fenêtre sur la vie. Elle-même est un répertoire de recettes, de façons de faire, de tours de main, sur lequel elle est laconique, écartant la curiosité d'un geste évasif de la cuillère de bois. Elle est un trésor de proverbes bretons, tantôt avisés. Comment en prévoir le temps, tirer de la brume ou de l'arc-en-ciel, des enseignements pour la journée. Tantôt sage. Comment faire avec ce qu'on a. Tantôt cru. Comment tirer des misères du corps des raisons de ne pas s'illusionner sur son importance. Dans ces récits, les légendes ont peu de place, contrairement à l'image convenue qu'on se fait de la Bretagne. À peine une pensée de temps à autre pour les cloches englouties de la ville d'Is, peu de corrigans, si répandus pourtant dans le Léon, et encore moins de fées. À ces créatures abstraites, je crois qu'elles prêtaient peu de sérieux. Et même les Wiltansu, variété locale et farceuse de corrigans, réputée pour défaire les tresses qui attachent les meules et piquer les vaches dans l'étable, faisait rarement irruption dans ses récits. La préférence décidée de cette personne réaliste, pour le monde visible, souffrait une exception. Et c'est précisément celle que l'image de mon père, sur son lit de mort, me rend le plus apte à capter. tout près de nous, et bien plus proche que le Yonnelez. Le marais de tourbe noire qui passe en Bretagne pour la maison des morts bruit le monde des âmes des trépassés, qui se rappelle au monde des vivants, par mille signes et intersignes. Il y a donc des choses que je sais très tôt, quand le corbeau du cimetière prend une certaine voix. Cela n'annonce rien de bon à celui qui l'écoute. Mieux vaut ne pas entendre la nuit grincer les essieux de la charrette de la mort, voir sur le pont du diable une ombre bouger, comme il lui était, racontait ma grand-mère, arrivé un soir de lune, n'a rien de rassurant. Et si c'était le diable en personne? Mais j'apprends aussi, baume placé tout à côté de l'effroi, qu'on doit aux âmes des trépassés des prières qui peuvent les aider à pousser cette porte du purgatoire, rester bien heureusement entrebâillée, et qu'elles réclament des pensées, des gestes, des mots et des offrandes, comme celle de la dernière crêpe, la plus crasse, la mieux grillée, qui les apaise et les réconforte, car les défunts ont faim et froid. La mort est ainsi, au rebours de ce que prétend aujourd'hui notre langage anesthésié, tout le contraire d'une disparition. Ma grand-mère, son costume, sa coiffe, sa langue, ses savoirs multiples, tout en elle parlait donc de l'identité bretonne. Et pourtant, avant de quitter son évocation, il me faut ajouter cette singularité. Si la France avait une existence à la maison, c'était grâce à elle. Aurore ou la générosité? Oh, beaux yeux bleus, vous ne me regarderez plus. Belle tête, je ne te verrai plus t'incliner sur moi et te voiler d'une douce langueur. Mon petit corps souple et chaud, vous ne vous étendrez plus sur moi comme Élisée sur l'enfant mort pour me ranimer. Adieu, mes cheveux blonds. Adieu, mes blanches épaules. Adieu, tout ce que j'aimais. Et encore, c'est de vous que je rêve quand je m'éveille trempée de sueur. Vous que j'appelle quand la nature sublime chante des hymnes passionnés et que l'air des montagnes entre dans mes pores par les mille aiguillons de désir et d'enthousiasme. Ce n'est pas au même homme que s'adressent ces lettres de feu. Le premier est Musset, le second Michel de Bourges. Mais peu importe. L'essentiel est dans ce langage. Jamais entendu encore dans notre galerie de dames. La femme qui le tient ne se contente pas de dire son plaisir. Elle revendique le droit des femmes au plaisir. Ou plutôt, car elle n'aimait pas trop le mot de plaisir, qui lui paraissait un vocable un peu régence, le droit à l'amour vrai. Indissociable du plaisir. Le drame de son personnage le plus célèbre, cette Lilia, à qui on l'a identifié, et de ne pas le connaître, car la nature ne l'a pas éveillé. À d'autres héroïnes, elle fait tenir le discours de la soumission amoureuse. « Dispose de moi, dit Indiana à Raymond, de mon sang, de ma vie, je suis à toi, corps et âme. Prends-moi, je suis ton bien, tu es mon maître. » Elle-même l'a tenue. « Fais donc de moi ce que tu veux », écrit-elle à Michel de Bourges. Si incroyable ce langage qu'il n'y eut pas de femme plus haïe que George Sand, de son vivant. et calomnier de la manière la plus basse. Voici, entre toutes les femmes, celle qui, directement ou indirectement, s'est identifiée à la féminité. Tout en réalité est beaucoup moins simple. Ses contemporains eux-mêmes ont là-dessus beaucoup varié. Certains ont voulu voir en elle une créature hybride, mi-homme, mi-femme. Quand parut Indiana, sous une signature inidentifiable, G.Sand, ce fut la perplexité. Livre d'homme ou livre de femme? Même une fois l'anonymat levé, Jules Janin faisait mine d'hésiter. Qui est-il ou qui est-elle? Balzac parlait d'elle comme du camarade George Sand. Homme dans la tournure, le langage, le son de la voix, les expressions, disait Vigny. Et Marie Dagout elle-même, est-ce un homme, est-ce une femme, un ange ou un démon? Elle avait une fois de plus entretenu l'hésitation. Il y avait d'abord ce nom bizarre, ce Sand, quatre lettres, même pas imaginé, mais emprunté à Jules Sandeau, son jeune et joli amant, comme pour souligner la difficulté des femmes à inventer leur propre modèle. Puis ce prénom, ce Georges, masculin, mais rendu plus étrange encore par l'abandon du S final. Et l'habit, bien sûr, le chapeau gris, la grosse cravate, le cigare et la pipe, qui entretenaient ces confusions dont elle s'amusait beaucoup et qu'elle raconte complaisamment dans l'histoire de ma vie. Elle s'y moque de tous ces hommes déconcertés qui l'appelaient monsieur puis madame au gré de sa vêture, ne parvenant pas à se décider pour un sexe. Elle a toujours adoré le déguisement, ne détestait pas la mystification. Jouera la comédie jusqu'à la fin de sa vie sur le théâtre de Nohant. Mais il y avait autre chose encore, de plus profond. Car dans ses lettres, elle employait indifféremment pour se désigner elle-même le masculin et le féminin, signant à l'intention de Flaubert « ton vieux troubadour ». Elle engageait ses amis à s'adresser à elle comme il leur plairait. « Prenez-moi donc pour un homme ou pour une femme, comme vous voudrez. » Son fils lui écrivait « Vive la République, vive l'égalité, vive mon vieux Georges. » En 1868, dans les nouvelles lettres d'un voyageur, elle dira que dans ses romans, un vieux ermite se promène et que cet ermite, c'est elle. Elle ne se sentait, disait-elle, ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. Son enfance partagée a joué dans son refus de s'identifier à une image féminine précise. Le père, tôt disparu, la petite Aurore avait été tiraillée entre deux femmes étrangères, l'une à l'autre, qui se livraient une guerre sans merci. La mère de Maurice Dupin pardonnait mal à son fils, officier napoléonien, d'avoir épousé une fille qui suivait les armées. Entre belle-mère et belle-fille, deux classes, deux époques et le gouffre de la Révolution. Ambiguïté. Chaque fois qu'elle s'explique sur ses accoutrements masculins, le mot de liberté, l'image de l'indépendance viennent sous sa plume. À Adolphe Guéroux, qui avait critiqué l'obstination qu'elle mettait à porter un habit de bousingot, elle avait répondu que par cette fantaisie, elle n'ambitionnait pas la dignité masculine, mais la superbe et entière indépendance, dont les hommes se croyaient seuls détenteurs. Liberté, c'était d'abord commodité, avec l'habit masculin, les petits souliers ferrés, voltigeant sur le pavé de Paris. Elle a dit maintes fois combien elle se sentait mobile, sans le souci d'avoir aménagé ses robes. Les bottes, dont elle compte l'acquisition avec un attendrissement ébloui. Ce sont vraiment les bottes de sept lieues qui ouvrent l'espace et donnent la clé du monde. Mais plus que tout, liberté, c'était invisibilité. Comme Stendhal, rêvant d'être un grand Allemand blond qui se promène incognito dans Paris, ou de la bague qui rend invisible. Elle s'enchantait de n'être pas reconnue, de voir sans être vue. Elle comprenait mal ses amis, comme Marie de Rosière qui se plaignait d'être constamment importunée dans Paris et se sentait tenue de coudre ses pantalons. Elle se targuait d'avoir couru partout sans connaître l'agression sexuelle. Invisibilité, c'est aussi invulnérabilité. En femme déjà, elle était trop mal vêtue pour attirer l'attention et gardera toute sa vie cette simplicité de mise, qui passera pour une affectation, et en était peut-être une. Plus ornée, elle m'eût paru plus simple, dira Tocqueville. Mais par là, s'affirme pourtant un trait majeur de sa personne et de sa vie, ne pas supporter la prison du regard d'autrui et plus généralement la servitude. Tout dans la vie des femmes tient, selon elle, à cette religion de l'enfant, dans la sienne aussi bien. La maison pour commencer, la coquille protectrice éclose, peuplée de rêves et de souvenirs à la taille des enfants. Elle adorait la campagne, l'enfermement dans la maison de famille, rêvait d'un hiver russe, d'une neige épaisse et tenace, et de jouir d'un endroit à elle, cadenassé, plein de voix enfantines, de jours tous semblables, de travaux réguliers et paisibles. Donc, une femme qui avait réfléchi sur la particularité d'être femme et se reconnaissait, elle, par la passion maternelle et même par ce qu'on appelait alors les devoirs de son sexe, mais qui se sentait artiste, c'est-à-dire ni homme ni femme, qui tenait la division des sexes pour subalterne par rapport à ce qu'est un être humain. L'esclavage porte un nom tout simple, c'est le mariage. Les premiers romans de George Sand tournent tous autour du même douloureux problème. Le rapport boiteux établi entre les sexes par la société et l'institution du mariage. Même si elle devait plus tard se défendre d'avoir voulu écrire des plaidoyers prémédités contre le mariage, variation sur le système saint-simonien, c'est ce thème initial qui donne l'élan à ses livres. C'est ici aussi sans doute que le fil de la destinée est le plus visible dans son œuvre. Rien n'était à ses yeux plus fertile en contradiction que cette question du mariage. Et elle-même n'en était pas tout à fait exempte qui, au gré des préfaces, durcit ou tempère ses plaidoyers contre l'institution. Mais, en dépit de ces variations, sa pensée est restée fort claire. Les partisans du mariage tel qu'il se pratiquait alors, le défendait au nom de l'inégalité de nature entre l'homme et la femme, argument odieux et irrecevable. Elle avait toujours pensé que les jours d'hiver comptent double, que l'amitié se nourrit de la durée, que les bonheurs sont cumulatifs. La vieillesse a été pour elle l'âge de l'enfance retrouvée, où elle voit augmenter sa facilité native à écrire, sa tolérance à l'égard des êtres, son aptitude à sentir le prix des choses. À Flaubert encore, elle écrit: tu vas bientôt entrer dans l'âge le plus heureux et le plus favorable de la vie, la vieillesse. Elle n'avait pourtant pas trouvé dans sa nature de quoi vivre cette vieillesse comme un âge d'or. Comme tous les artistes, elle avait cru, disait-elle, à l'abbaye de Thélem et la voulait sur le champ. Elle avait des flambées d'impatience et de colère, se reconnaissait des instincts de précipitation. C'est précisément l'entraînement passionnel, chez elle, qui faisait prédire à Chateaubriand qu'elle ne pourrait jamais être convertie, sinon par la prédication de ce missionnaire à front chauve et à barbe blanche, appelé le temps. Elle n'a eu nul besoin de ce prêche. La voyageuse de nuit de Chateaubriand, la vieillesse, elle l'a salué comme un accomplissement. Le fruit d'une longue durée bénéfique. L'accès à une innocence seconde. À tous ses amis, elle a prêché la patience. Patience, cher grand cœur. Recommandait-elle à Charlotte Marliani et à Augustine Brohan, prenez garde, cher enfant, de vivre trop vite. Célébrez le calme qu'il y a à découvrir tous les enchaînements, heureux ou malheureux, qui, au bout du compte, font une vie. Elle conseillait à Maurice de se laisser mûrir. Tenez qu'il faut permettre au temps de s'accomplir. Et si la mort de ses amis qui éclaircit les rangs autour d'elle l'emplit de chagrin, l'idée de sa propre mort ne communique aucune mélancolie à ses textes. En cet apprivoisement du temps, dont elle fait un allié, ce qu'on retrouve, une fois encore chez elle, c'est la forme de l'enfant. Pour faire un enfant, et de cet enfant un homme, il faut du temps. La guérison de l'impatience tient dans les devoirs du sexe. À sa fille Solange, qui désirait se séparer de son mari, elle écrit que la vue de l'enfant aurait dû la faire patienter. Attendre, prendre son temps. Accepter de composer est souvent le parti le plus héroïque. La mère parlait en elle ici. Il y avait en George Sand 1000 modestes fées amicales. Détentrices des talismans qui aident à franchir les jours. Une fée pédagogue qui se réjouit quand l'enfant a appris l'accord des participes. Une fée couturière, satisfaite d'avoir brodé délicatement des pantoufles. Une fée infirmière, qui sait guérir la colérine. Une fée jardinière, capable d'acclimater en berry les iris à cœur jaune. Les tours de main si efficaces que possèdent ces fées, dont elle usait elle-même, nouvelle fadette, et qui la rendaient si cher à ses amis, tenaient tous dans cet art du temps, cet assentiment au déroulé des jours, qui fait qu'au-delà même des biens, qui faisaient pour elle le fond d'une vie réussie, la sécurité d'âme de l'amour partagé et la maternité, il y avait mille autres choses. La musique, la botanique, art de la durée, l'amitié qu'il faut entretenir, les chats, la campagne, le beau temps et les roses à feuilles de pimprenelle que chaque printemps ramène. Si elle a cru parfois à un privilège féminin, ce n'est que dans l'aptitude supérieure des femmes au bonheur. En quoi elle est si différente de Madame de Staël? Elle ne savait pas, elle ne voulait pas être malheureuse. Elle écrit qu'au milieu de l'affreux désespoir, la soutenait encore l'âpre amour de la vie. À peine le petit Marc, le premier enfant de Maurice, disparut, elle demanda, elle commanda un autre enfant. Ce qui frappe le plus dans ses chagrins et dans sa vie, c'est l'énergie qu'elle met à congédier la souffrance. Et c'est aussi une façon de comprendre la succession de ses amants autrement que par la frénésie du plaisir ou par l'impossibilité du plaisir, puisque l'hypothèse sur la foi d'une comparaison aventurée avec Lélia a aussi été avancée. Le 10 juin 1876, dans le petit cimetière de Nohant, rayé de pluie, devant le cercueil, au milieu des paysans en sarrau bleu, il y avait le prince Napoléon, Renan, Dumas, Paul Meurice. Victor Hugo avait envoyé un de ses messages à deux temps dont il avait le secret. Je pleure une morte et je salue une immortelle. Flaubert, lui, pleurait vraiment, comme un enfant, comme un veau, dira-t-il. Et c'est lui encore qui a eu le dernier mot. Il fallait, écrira-t-il à Tourguenieff, la connaître comme je l'ai connue pour savoir tout ce qu'il y avait de féminin dans ce grand homme, l'immensité de tendresse qui se trouvait dans ce génie. Clotilde Courau lisait « Composition française » et « Les mots des femmes » de Mona Ozouf, publié aux éditions Gallimard. Tout de suite, Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des Livres, s'entretient avec Mona Ozouf. Alors, en coulisses, là, Mona Ozouf, vous colliez littéralement aux mots de Clotilde Courau, qui sont les vôtres, en fait. Et vous récitiez Victor Hugo au même moment. Enfin, vous étiez, on aurait dit que voilà, vous étiez la souffleuse de la soirée. Alors tout à l'heure, vous parliez de dénivellation. Comment vous avez ressenti cette dénivellation entre le texte écrit et ce texte tel qu'il a été proféré par la belle voix intense et sensible de Clotilde Courau? Oui, je pense que la lecture de Clotilde Courau établit quand même entre les deux textes une passerelle et qui est pour moi une passerelle de douceur. Les deux textes sont lus avec beaucoup d'empathie d'abord, et ensuite, avec beaucoup de douceur et d'apaisement. Et au fond, ça fait, je crois, comprendre une des caractéristiques de George Sand qu'on néglige souvent, parce qu'elle a eu droit à des biographes qui avaient l'œil fixé sur ses aventures et sur la succession de ses amants, et qui, au fond, me semble tous avoir fait un contresens sur la nature profonde de George Sand. Et par ailleurs, j'ai dit que, pour commencer, que la dénivellation était pour moi atténuée par le fait que, étrangement, paradoxalement, entre le personnage de ma grand-mère et celui de George Sand, je voyais des affinités. Si j'avais à dire l'affinité essentielle, je crois que ça peut être résumé par une formule qui est l'art du temps. L'art du temps, c'est-à-dire le sentiment qu'il faut un temps pour tout, qui est probablement un sentiment très, très féminin. Il faut du temps pour faire un enfant, il faut encore beaucoup plus de temps pour l'élever. Ça dure une vie, probablement. Et puis, le sentiment, en effet, qu'il faut aussi du temps quand on tourne la cuillère dans la crème anglaise. Il faut attendre que ça prenne. Donc il y a tout un art de la patience qui est lié au féminin et qui est, je crois, visible, qui était visible sûrement dans le personnage de ma grand-mère, ce qui n'excluait pas des colères et des indignations, comme du reste chez George Sand. Mais il y a quelque chose de profondément pacifiant dans les deux textes. Je voulais vous citer une page de Barthes, dans ce petit livre superbe que vous connaissez tous, s'appelle La Leçon, donc La Leçon inaugurale au Collège de France, où Barthes, vous allez voir, arrive à la question de l'histoire. Et pour ça, moi, je voudrais faire un tout petit détour, parce qu'en écoutant les mots que vous avez eus sur votre grand-mère, évidemment, je pense qu'on a été très nombreux à penser à nos grand-mères. Quand on pense à nos grand-mères, on pense aussi souvent, en fait, aux pages que Proust a consacrées à la mort de sa propre mamie. Et Barthes a été absolument bouleversé par ces pages, dont il dit que c'est un grand moment de vérité, je le cite, hein, « Tout d'un coup, chez Proust, la littérature coïncide absolument avec un arrachement émotionnel, un cri. » Et Barthes enchaîne comme ça en disant, voilà, en citant Rousseau, en disant, finalement, l'écriture, elle est là pour témoigner du fait que ceux qu'on a aimés n'ont pas vécu pour rien, pour dire les personnes qu'on a aimé, et on en arrive là à cette citation. Vous allez voir que c'est peut-être le rôle de l'histoire d'être dans une forme de pathos que lui reconnaît comme une forme de pensée. Je cite donc Roland Barthes. C'est ce que Michelet avait compris. L'histoire, c'est en fin de compte l'histoire du lieu fantasmatique par excellence, à savoir le corps humain. C'est en partant de ce fantasme, lié chez lui à la résurrection lyrique des corps passés, que Michelet a pu faire de l'histoire une immense anthropologie. Alors, voilà, j'en viens à ma question, Mona Ozouf. Est-ce que pour vous aussi, l'histoire, telle que vous l'avez pratiquée, telle que vous la pratiquez, est liée à ce fantasme, en tout cas à ce désir d'une résurrection lyrique des corps passés et aimés? Oui, c'est C'est effectivement une façon de faire de l'histoire. C'est la façon, disons, des poètes et des prophètes. Barthes cite Michelet, pour qui effectivement l'histoire est une manière de retrouver un vécu qui s'en est allé. Et ce vécu ne peut être retrouvé qu'en effet par des poètes ou des prophètes. Pourquoi ? Parce que ce qui est livré dans le vécu, c'est quelque chose de total, c'est-à-dire qui mêle le bon grain et l'ivraie, le pur et l'impur, le mémorable et ce dont il ne faudrait pas se souvenir, etc. Et donc c'est en effet une des façons de faire l'histoire. Mais comme vous le savez, il y a beaucoup de demeures dans la maison du père et il y a quantité de manières de faire de l'histoire. Ça peut ne pas être non plus la seule manière de l'approcher. Ce qui est très séduisant dans ce type d'histoire, moi ce qui me touche beaucoup, c'est que c'est une histoire qui rend justice à l'intempestif, à l'inattendu. Alors que les formes d'histoire dans lesquelles ma génération a été élevée, quels étaient les grands noms d'historiens quand j'ai fait mes études, qui n'étaient d'ailleurs pas des études d'histoire, mais qui étaient les vedettes intellectuelles, on peut dire qu'elles étaient toutes des vedettes du déterminisme. Soit un déterminisme géographique, avec Brodel, soit un déterminisme linguistique, avec Lévi-Strauss, soit un déterminisme socio-économique, avec Labrousse. Et donc, voilà quels étaient nos maîtres, et au fond, quelle était la rançon de cette révérence qui était celle de toute une génération, je crois, alors avec des inflexions différentes. Mais en gros, nous étions tous fascinés par l'idée d'un déterminisme historique, d'une sorte de science synthétique de l'homme et de la possibilité de décrire des lois objectives du comportement humain. C'était ça qui nous attirait dans ces conceptions déterministes. Et ça nous faisait à l'époque mépriser la psychologie, par exemple, qui nous parlions de la psychologie, d'une histoire psychologique avec condescendance et un peu de mépris, etc. Et dans tout cela, il y avait pour quelqu'un comme moi, qui n'était pas historienne de formation et qui venait d'autres horizons, il y avait comme un manque, il y avait un reste toujours. Par exemple, on peut faire des études de démographie historique et établir avec quantité de comptage les taux de mortalité, de fécondité, etc., et en tirer en effet des lois. Mais il y a un reste énigmatique, c'est que ça ne nous dit pas quelles sont les attitudes des hommes face à la vie et à la mort, et quelle peut être la détermination, j'ai parlé de taux de fécondité par exemple, quelle est la détermination profonde, consciente ou inconsciente, d'un couple qui décide d'avoir 1, 2, 3, 4 enfants, etc. Il y a un reste, et c'est ce reste effectivement, et en ce sens votre référence à Barthes et à Michelet derrière Barthes est très intéressante. Il y a un reste, et finalement je pense que, un peu fatigué des lourds enchaînements discursifs du déterminisme, et pour des gens comme moi qui étaient probablement plus attirés encore par la littérature que par toute autre discipline, il y avait là-dedans quelque chose de fascinant et de réconfortant. C'était que au lieu de faire des grands personnages historiques, la classe sociale par exemple, ou l'espace géographique, nous retrouvions l'individu, l'indétermination de l'individu, les choix impossibles à imaginer à l'avance, bref, l'événement, très méprisé aussi, l'histoire événementielle était un gros mot à l'époque dont je parle, alors que l'événement, c'est l'irruption, effectivement, dans l'existence de quelque chose qu'on n'avait pas prévu et qui pourtant change tout. Donc, la réhabilitation de ce type d'histoire, à quoi Barthes fait allusion, oui, j'y suis sensible, ça correspond même presque à deux, je ne vais pas dire à deux époques de ma vie, mais à une évolution, effectivement, de ce qui exerçait sur moi une séduction intellectuelle. Ah, c'est passionnant, d'ailleurs, en vous écoutant, je repense ce que vous disiez d'entrée de jeu pour... Au début de cet entretien, vous parliez de l'empathie de Clotilde Courau pour votre texte. Et de fait, chez quelqu'un que vous avez beaucoup, beaucoup aimé et accompagné, c'est-à-dire François Furet, l'historien François Furet qui nous a quittés, il y avait l'idée que l'empathie et la sympathie, justement, face à une logique purement déterministe, était quelque chose d'essentiel, que c'était même nécessaire, disait-il, à la compréhension de toute histoire de historique. Et finalement, ce rapport à l'empathie, au sentiment, une forme de sensibilité en histoire, est lié, comme vous le disiez là, à un rapport, un certain rapport à la littérature. Et vous-même, dans la préface que vous avez donnée au Quarto, François Furet, vous rappelez cette citation, enfin vous dites, une œuvre, c'est une question bien posée. C'est-à-dire que, effectivement, tout ce rapport à la sympathie, à l'empathie, et au sentiment, au fait de garder en tête l'individu, oui, est lié aussi à une certaine conception, à un certain rapport à la littérature. Oui, j'ai envie de rebondir sur cette question d'empathie, parce que je pense qu'il y a là une question fondamentale. Est-ce que l'empathie est un meilleur accès à la vérité que la défiance? Or, nous avons beaucoup pratiqué la défiance et la philosophie du soupçon. Et du reste, il reste quelque chose de cela dans une histoire, la nôtre, celle qui se pratique et qui est souvent, à mes yeux, une histoire justicière, une histoire qui se préoccupe avant tout de déterminer quels sont les bourreaux, quelles sont les victimes, qui établit deux camps dans une logique binaire, qui d'ailleurs est assez accordée probablement à la, comment dire, à la mentalité française ou au tempérament français. Deux camps, des adversaires, l'impossibilité même de penser l'adversité sans penser qu'il y a derrière l'adversité des adversaires étiquetés, possible à épingler, etc. C'est une de nos tentations, je crois. Et je pense qu'en effet, on peut plaider, enfin moi j'aurais tendance à plaider que plus que le soupçon, l'empathie est un moyen d'accès, oui, à la vérité des êtres et d'ailleurs des périodes. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on se prive ensuite de tout regard critique, et ça ne veut pas dire non plus qu'on ne soupçonne pas le témoignage, enfin, mais faire du soupçon la méthode historique fondamentale, ça me paraît tout à fait dangereux. Alors en même temps, cette question de l'empathie et l'histoire justicière pose problème, y compris dans votre propre itinéraire, Mona Ozouf. Et je mets d'ailleurs François Furet toujours solidaire là-dedans. Je me souviens que François Furet disait toujours, c'est étonnant, j'ai été pris par la croyance, comme il l'appelait, la croyance communiste, y compris une forme de stalinisme un peu hard. Et pourtant, j'aimais Koestler, j'aimais Le Zéro et l'Infini. Et donc, comment expliquer cela? Et chez vous, il y a un peu la même question qui se pose. Chez vous, comme chez Furet, vous qui avez été proche de Louis Guillou, un rapport très fort à la littérature, eh bien, vous a pas empêché, à un moment donné, de connaître, quelque part, le vertige de l'histoire justicière, en tout cas d'une idéologie justicière. Alors, si vous voulez évoquer par là mon stage de jeunesse au Parti communiste, je vous dis, stage de jeunesse, 4 ans tout juste, c'est pas très long, toute ma génération y a succombé, si vous voulez, et on peut très bien comprendre pourquoi. Nous étions une génération sortie de la guerre avec le sentiment que nous n'avions pas pu, parce que nous étions trop jeunes, participer à l'héroïsme de nos aînés. Nous n'en aurions probablement pas été capables, mais peu importe. Il y avait le grand modèle quand nous sortions de la guerre à 12, à 13 ans. C'était la génération immédiate qui avait pris des risques, qui, voilà. La question récurrente de mon adolescence, c'est la question de toute une génération. Qu'aurions-nous fait? Aurions-nous parlé sous la torture? Ça nous a obsédé, cette question. Donc, il fallait être à la hauteur de cette génération, alors que nous n'en avions pas l'occasion, les moyens. Et au fond, le stage de jeunesse dont je parle, que je ne regrette pas, bien que j'y ai dit beaucoup de bêtises, comme les autres, bien sûr. Mais ces stages étaient une manière de faire la guerre sans la faire. Nous ne l'avions pas faite, et nous en ressentions une sorte de frustration. Et donc, c'était une manière, en effet, de faire la guerre, parce qu'il y avait, comme je viens de le dire, des adversaires étiquetés. Il y avait aussi la solidarité de ce que nous appelions dans notre langue de bois de l'époque les copains. Le mot copain voulait dire membre du Parti communiste, ou tout près d'y adhérer, ou sympathisant, enfin que sais-je. Et donc, il y avait cette entrée dans un monde, un grand jeu de guerre sans la faire. Et puis il y avait aussi, pour toute une génération, qui était une génération globalement de gauche, il y avait l'idée qu'il n'y avait pas d'autre lieu. Le Parti socialiste de l'époque était compromis dans la colonisation. Que faire ? Il y avait le maximalisme de la jeunesse qui jouait aussi. Si on est de gauche, il vaut mieux être à l'extrême gauche qu'ailleurs. Bon, c'était notre sentiment. Donc, voilà, j'accorde pas une importance formidable à cet épisode. Pourquoi ? Parce que j'y ai rencontré des personnalités absolument extraordinaires. D'abord des copains qui m'ont plus quitté ensuite. Tous d'ailleurs dégrisés, désenchantés, ayant fait des trajets qui peuvent être tout à fait hétéroclites. Certains d'entre nous ont simplement transporté leur fanatisme ailleurs. D'autres ont éprouvé, j'en étais, un immense soulagement. C'était ça le fond du fond. Parce que la vie militante supposait, devant des auditoires qu'il fallait convaincre, supposait de tenir des discours dont nous sentions très bien nous-mêmes que nous n'avions pas les moyens de les tenir. Quand il fallait expliquer l'émeute des ouvriers de Berlin, devant l'école normale supérieure des jeunes filles assemblées, trouver des arguments que nous pêchions là où nous pouvions, avec des calembres d'aine éreintés, l'encerclement capitaliste, enfin que sais-je. J'ai honte quand j'y pense, mais c'était quand même c'était rude à faire. C'est un stage. Mais si je peux me permettre de... Et donc, c'est le sentiment fondamental par rapport à cette période, c'est que moi, j'avais beaucoup besoin, à cause d'une enfance très, très solitaire, entre ce qu'on a aperçu dans le premier texte lu par Clotilde Courault, une mère enfermée dans un chagrin sauvage, farouche, ne voyant personne, une grand-mère chaleureuse mais despotique, et personne à l'horizon, jamais un ami ne franchissant la porte de la jeune veuve. D'ailleurs, la grand-mère était là pour ça, pour que la porte soit vraiment close. J'ai compris ça trop tard, comme tout dans la vie, on comprend ça des années trop tard. Donc, une enfance passée dans cette solitude, brisée seulement par l'école, que j'ai adorée, évidemment, en raison de cette solitude. Il y avait chez moi une sorte de volonté frénétique de dire « nous ». Nous faisons ceci, d'être un collectif. Et j'avais le sentiment d'être isolée parce que mon enfance était atypique à divers aspects, même dans l'aspect intellectuel. C'était tout à fait atypique par le conflit entre le régionalisme breton ou presque l'autonomisme de mes parents, la République telle qu'on l'enseignait à l'école communale. Il y avait aussi l'Église qui était un autre pan de l'existence. Tout ça était totalement contradictoire. Donc j'étais habitée par l'idée d'être comme tout le monde, de pouvoir dire nous et de m'insérer dans quelque chose d'un peu plus confortable. Je ne veux pas dire que ce soit du tout une enfance, je ne veux pas faire de pathos justement, une enfance malheureuse, mais c'était une enfance perplexe, complètement habitée par la perplexité. Et donc, voilà, le Parti communiste, comme à beaucoup de gens fragiles ou un peu incertains d'eux-mêmes, donne une armature. Et c'est vrai que ça a joué pendant quelques années. Alors, je ne vais pas trop insister sur cette période du stage, je ne comptais pas le faire, mais comme je suis étonné par la façon dont vous relativisez son importance, je voudrais citer la préface d'un très beau livre que vous avez signé qui s'appelle « La cause des livres », dans lequel vous avez réuni 40 ans d'articles et comptes rendus dans le Nouvel Observateur. Si je cherche ce qui a été déterminant dans mes intérêts et mes goûts, et donc présidé lointainement à ce recueil, je me convainc qu'ils s'enracinent tous dans mes années de militance juvénile. C'était un brouillon d'engagement, une expérience très modeste, une illusion brève, 4 années tout juste, qui me paraissent pourtant éclairer ce qui a suivi. Donc un petit stage, mais un stage fondamental quand même. Et d'ailleurs, je suis pas du tout en train de faire de l'histoire justicière ou de l'entretien justicier. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est que chez vous, comme chez François Furet, ou chez Edgar Morin aussi, qui lui-même, pareil, dit c'est l'expérience, je l'ai sous les yeux, l'expérience la plus profonde et la plus présente que j'ai vécue. Pourtant, lui aussi, c'était pas très long. À chaque fois, il y a un rapport à la fois très critique à ce stage, à cette période de stage, et en même temps, c'est une période qui reste comme décisive, comme une sorte de coup d'envoi, y compris dans le rapport à la littérature et oui, surtout dans le rapport à la littérature. Ce que j'essaie de dire dans La cause des livres, c'est que l'attachement à la littérature, l'amour de la littérature est effectivement quelque chose comme un... J'ose pas dire, je vais employer un mot beaucoup trop fort, un contrepoison, ce serait absurde, mais c'est quelque chose qui s'inscrit contre la simplification de l'existence que procurait effectivement l'engagement militant. Ça simplifie considérablement l'existence, d'abord parce que, je l'ai dit, ça divise les gens que l'on rencontre en deux catégories bien fixes. La première question qu'on pose quand un ami vous dit qu'il a rencontré quelqu'un, on dit « est-ce que c'est un copain ?» est-ce qu'il est des nôtres ? Donc ça dit tout là-dessus, sur la dichotomie de l'existence. Et au fond, comme malgré tout, le Parti communiste nous imposait des oukases assez difficiles à mettre en pratique, par exemple la lecture du Monde, ça va vous intéresser, oui. Nous était ils étaient tellement violents que ça, le Parti communiste, ils vous imposaient des choses aussi dures. La lecture du Monde nous était interdite, c'était faire beaucoup d'honneur au Monde. C'était penser que la lecture du Monde pouvait nous dérouter ou nous faire vaciller ou nous faire changer de camp. En tout cas, la lecture du Monde était fortement déconseillée. Nous le lisions, bien entendu, mais un peu en cachette. Ah. Et par ailleurs, la littérature elle-même, ce qui nous était conseillé de lire, c'était évidemment toute la littérature qui avait un poids sociologique ou qui... appelait à un engagement. Et au fond, nous étions nous étions précisément dans la littérature ce que nous cherchions. C'est pas ce qui occupait les rayons de nos bibliothèques progressistes, puisque ça s'appelait comme ça. Je tenais à l'école normale supérieure la bibliothèque progressiste, c'est-à-dire que tous les ans, la cellule communiste décidait de mettre tous les livres, les bons livres, comme on dit, la littérature pieuse. Les bonnes lectures, comme on dit aussi dans le catholicisme, par exemple. Donc, tous les bons livres étaient réunis dans une même pièce. Et moi, j'ai tout de suite demandé à avoir chez moi la bibliothèque progressiste, parce qu'au moins, il y avait tout de suite sur les murs de la chambre un rassurant manteau de livres. Ces livres, on ne les lisait pas. Et personne ne venait jamais les emprunter. Ce qui, du reste, était quand même un signe, parce que c'était des histoires extravagantes où les deux amoureux se jurent leur flamme et où, au moment où l'aveu va sortir, elle, la petite blonde à tresse du Kolkhoz, regarde son mécanicien adoré en disant que je t'aime, mais j'aime encore quelque chose de plus que toi, tu n'es pas le premier dans mon cœur. Il s'enquiert, bien sûr, et elle dit, mais le parti. Bon. Mais qu'est-ce que ça a d'extravagant ? Totalement, totalement extravagant. Et donc, être dans cette mouvance, lecture interdite, lecture conseillée, assez niaise, il faut bien dire, ça donnait quand même un goût frénétique pour une autre littérature. Camarade Ozouf, vous filez un mauvais coton. Alors, on est sur nous. Alors, pour revenir à Georges Sand, mais on va rester sur des choses assez politiques. Tout à l'heure, on entendait Clotilde Courau raconter, en reprenant vos mots, que Georges Sand ne se sentait ni tout à fait homme, ni tout à fait femme. Et pour citer, donc, de ce point de vue, elle s'est inscrite dans cette grande tribu que Laure Murat... pour citer encore une autre historienne, une autre de vos collègues, a appelé les hors-genres, hein, dans un très beau livre qui s'appelle La loi du genre, histoire du troisième sexe, pédéraste, tante, uraniste, lesbienne, tribade, saphiste, travestie en tout genre. Elle traverse comme ça les siècles en travaillant à la fois la littérature et les archives policières pour montrer qu'il y a effectivement toute une tradition du troisième sexe qui oblige les deux autres à se penser. C'est là-dessus que je voulais vous interroger. En vous demandant quelle est quelque part votre propre expérience de femme dans ce milieu d'hommes qui était le milieu des historiens, puisque dit Laure Murat, c'est d'abord plus que la juge ou la banquière, la femme de lettres qui se voit suspectée de ne pas appartenir pleinement à son sexe. Hein. Elle explique que c'est l'écrivain Louis Veuillot qui aurait le premier qualifié les femmes de lettres, de troisième sexe, et en particulier les femmes de lettres. Alors, est-ce que vous-même vous êtes senti un peu hors genre chez les historiens? Je vais beaucoup vous décevoir, mais moi j'ai toujours eu un compagnonnage intellectuel avec les copains avec lesquels j'ai travaillé, de parfaite, enfin, vous pouvez me dire que c'est une illusion complète, c'est possible, mais c'est une illusion heureuse en tout cas, parce que j'ai toujours eu le sentiment d'une égalité parfaite. Alors j'ai eu de la chance peut-être, en fait j'aurais pu ne pas l'avoir, parce que j'ai commencé à travailler en sous-traitant, enfin eux ont sous-traité avec moi, c'est-à-dire qu'au sortir de mon collège breton, et en arrivant à Paris sans les codes et dans une intimidation vraiment totale par rapport à ce qui pouvait se faire. Et puis j'avais été élevée dans la religion de l'écriture, ce qui fait que l'idée d'écrire un jour un articulé dans le petit bleu des Côtes du Nord était déjà une montagne à mes yeux. Et donc j'arrive dans un milieu, je rencontre de jeunes historiens, j'ai de la chance, ces jeunes historiens vont s'appeler Emmanuel Leroy-Ladurie, Maurice Agulon, François Furet, etc., Jacques Ozouf. Et donc je les rencontre, ils ont tous, ça m'éblouit absolument, ils ont tous l'idée qu'ils vont écrire des livres, ils ont déjà leur sujet, ils en parlent doctement. Moi ça m'éblouit complètement et je n'ai pas l'idée du tout, je n'ai aucune idée en arrivant dans l'existence, en étant jeune professeur ou jeune normalienne, j'ai pas du tout cette idée-là en tête. Et puis ça vient comme ça parce que ils commencent à travailler, ils sont un peu bousculés, ils sont dans la presse et puis ils ont besoin de. Ils me disent, tu pourrais pas nous écrire 2 pages, 3 pages, un paragraphe ici ou là. Donc je fais ça pour commencer. Et j'y ai pris goût ensuite. Alors bien sûr, je vois bien ce qu'un féminisme intégriste pourrait tirer de cette historiette en disant, bah, vous voyez bien, vous n'avez travaillé, c'est vrai, c'est profondément vrai, vous n'avez travaillé que parce que vous avez eu quelqu'un ou des gens qui vous ont dit que vous le pouviez. Et vous avez commencé de façon incroyablement subalterne. Ça pourrait être vu comme ça. En fait, à mes yeux, ça a été une chance extraordinaire. Et comme vous avez parlé, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais revenir à George Sand. Qu'est-ce qui est absolument merveilleux? C'est une femme que je trouve sublime, magnifique, pour des tas de raisons. Mais en particulier, ce que je trouve de formidable chez elle, c'est qu'elle a compris très vite, très tôt, ce qui au fond fait, je crois, l'agrément d'être une femme en France. Là encore, je vais me mettre dans un très mauvais cas, parce qu'on va me dire que j'ai une vue un peu niaise, un peu niaiseuse, comme on dit au Québec, des rapports entre les hommes et les femmes en France. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est spécifique à la France et qui est ceci. La France est le pays qui a fait la Révolution et qui, en faisant la Révolution, a déclaré cette chose magnifique, que les droits, nos droits, ne sont en aucune façon liés à nos qualités. C'est-à-dire que nous ne tirons pas nos droits de nos qualités, quelles qu'elles soient. Autrement dit, nous ne tenons pas nos droits, évidemment, de la naissance, et pas de la fortune, et pas du talent, et pas de l'intelligence, et pas de la beauté, et pas bref, et même pas du mérite. Même pas du mérite, puisque si on pense à l'illustration la plus évidente de cela, qui est le suffrage, le droit de suffrage ne tient pas compte des qualités particulières. Bien. Donc la France est le pays qui inaugure cette idée que tout être, quel qu'il soit, quel que soit son sexe, sa couleur, etc., a en tant qu'être humain élémentaire, être humain dénué de tout le reste, que cet être-là a des droits. Qu'est-ce que ça donne comme... Alors on pourrait me dire que c'est très loin d'être fait pendant la Révolution, que justement les femmes sont privées du droit de vote, etc. Bon, très bien, j'écarte tout ça pour le moment, pour dire que il y a quelque chose qui est très intéressant en France, c'est que les femmes peuvent se considérer comme un sujet neutre du droit et comme un sujet non sexué. Ce qui est, dans quantité de domaines de l'existence, ce qui est franchement un soulagement parce que on ne s'attend pas à être jugé sur sa qualité professionnelle parce qu'on est une femme, etc., mais par ce que l'on fait ou ce que l'on produit, mais pas parce que l'on est. Donc ça permet à une femme en France de jouer sur ce registre de neutralité qui est un registre extrêmement soulageant. Il y a un domaine où tout ça ne compte pas, où les qualités individuelle que nous avons héritée, que nous n'avons pas choisie, que nous avons reçue, ne compte pas. Très bien. Mais d'un autre côté, les femmes en France peuvent aussi jouer sur l'autre tableau, qui est le tableau où cette fois la différence sexuelle a beaucoup à dire sur la saveur, sur la couleur, sur l'intérêt de l'existence, et où donc la femme peut jouer aussi sur un registre de séduction, voire de frivolité, etc. Ce qui me frappe beaucoup en France par rapport à d'autres pays, c'est qu'il est très difficile à une femme française de comprendre pourquoi elle devrait se sentir offensée quand deux maçons sur un échafaudage sifflent à son passage dans la rue. Je ne crois pas que les femmes françaises pensent immédiatement qu'elles sont agressées, traitées en objet, etc. Et le sentiment, à mon avis, le plus commun, c'est la tristesse de voir que ça n'arrive plus dans la vie, à un certain moment. Donc, tout ce que je veux dire, par là, c'est qu'il y a un certain bonheur des femmes en France à pouvoir précisément jouer de l'un ou de l'autre de ces tableaux. Alors on va me dire peut-être supercherie, imposture, ruse, etc. Peut-être, mais ça fait un des plaisirs d'existence. Et donc, on ne doit. Et voilà, une des leçons de George Sand, et qui était aussi une des leçons de ma grand-mère, c'est qu'il ne faut jamais mépriser ce qui adoucit la vie, ce qui la rend vivable, et au fond, c'est ça qui triomphe de toutes les théories, fussent-elles des théories du genre. Je vais vous poser une toute dernière question, Benoît Ozouf. Je vous écoutais tout à l'heure parler du moment où on a commencé à vous donner des feuilles à relire, etc. J'ai pensé à cette anecdote que m'avait racontée Françoise Héritier, donc anthropologue et professeure au Collège de France. Elle m'a raconté comment un jour, elle venait d'entrer au Collège de France, quand même une grande institution, et elle s'était retrouvée comme ça dans un collectif d'hommes, une réunion, il n'y avait que des hommes, elle était la seule femme, et tous étaient profs au Collège de France, y compris elle, et à un moment donné, les gens ont commencé à discuter, etc., et tout le monde s'est tourné vers elle en disant « Vous pouvez prendre des notes ?» Voilà. Voilà. Et donc, la question qui se pose, c'est aussi la question de la sincérité et de la franchise. Ça, c'est une question qui m'obsède et je voudrais vous poser. Je crois que je l'avais déjà aussi posé à Elisabeth Badinter. Je suis très frappé par le fait que dans le milieu intellectuel français aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit qu'il n'a pas aimé le livre d'un autre et que vous lui demandez « Mais est-ce que vous le lui avez dit ?» Généralement, il vous dit « Ah non, c'est beaucoup trop violent, jamais je ne ferai ça. » Hein, et comme si tout échange critique, toute loyauté critique devait entamer une sorte de cycle, de spirale du ressentiment et de la vengeance. Or, l'un de vos éminents prédécesseurs, Marc Bloch, historien également, disait « Que chacun dise franchement ce qu'il a à dire, la sincérité naîtra de ces sincérités convergentes ». Est-ce que vous, Mona Ozouf, dans vos relations avec vos collègues historiens, vous vous sentez totalement libre de dire les choses? Et est-ce que vous le faites régulièrement en disant écoute mon ami, mon camarade, mon copain, ton livre est mauvais? Non, ça m'arrive pas souvent. Non, je crois. Non, ça m'est jamais arrivé de dire à un ami ton livre est mauvais. Non, jamais. Vraiment jamais. Mais ça dépend du niveau de l'amitié et de la manière dont elle s'est construite au cours de la vie et dont elle s'est pratiquée. Dans mes rapports avec François Furet, avec qui j'ai beaucoup écrit, j'ai eu affaire, moi aussi, comme Françoise Héritier, à des gens qui me rencontraient dans le couloir des hautes études et qui me disaient « Vous êtes l'assistante de François Furet ?» Et je disais « Oui, François Furet est mon collaborateur. » Et du coup, bon, j'ai eu aussi des choses de ce genre. Mais dans le travail en commun avec François Furet, il y avait quelque chose qui était à la fois extrêmement commode et en même temps assez difficile, parce que François n'était pas un homme à cacher ce qu'il pensait. Et plusieurs fois, il m'a dit « Écoute, non, ton texte dans le dictionnaire critique », enfin d'ailleurs ça a été aussi réciproque, je dois dire que je lui ai fait refaire son Louis XVI, et que lui m'a fait refaire l'article qui était d'ailleurs mauvais sur la déchristianisation. Bon, enfin bref, ce qui était très confortable avec Furet, il pouvait être un peu sec dans la manière de juger un texte, et je ne veux pas dire, j'en étais pas contente quand il me disait que ça valait. Je savais qu'il fallait le refaire, mais c'est jamais plaisant. Cela dit, il y avait quelque chose qui était, on savait que, avec François, que le jugement intellectuel porté sur telle ou telle partie du travail ou de l'œuvre n'entamerait pas l'amitié, qui était au-delà de ça. On peut dire à un ami, on dit pas ton livre est mauvais, mais on dit, écoute, je trouve que tu as fait mieux. Et ça commence toujours par écoute. D'ailleurs, j'ai encore dans l'oreille le timbre de Furet quand il me disait écoute. Donc ça commençait toujours très mal. Mais donc, dans une amitié, ça dépend. Si c'est un ami, si c'est simplement une connaissance, ça n'a pas d'importance. Si c'est un ami, oui, on peut dire que ça n'est pas aussi bon que d'habitude, ou que ça doit être repris ou recommencé. Si on sait que le jugement intellectuel ne retentira pas sur, comment dire, le pacte d'amitié, qui une fois, en ce sens, l'amitié ressemble un peu aussi à l'amour. Une fois ce pacte conclu, et en particulier dans la jeunesse, je crois qu'il ne se défait plus. Merci beaucoup, Mona Ozouf. Merci. Je vais rappeler, Mona Ozouf, le titre de votre dernier quarto qui est paru chez Gallimard, de Révolution en République. Vous remerciez également toutes et tous parce que vraiment ces soirées ont été très belles et vous avez été à chaque fois d'une très belle présence, beaucoup d'exigence, de fidélité et de tendresse, d'empathie, puisque vous parliez de ces mots-là tout à l'heure, on l'a éprouvé. Merci beaucoup pour votre présence tout au long de ces semaines et de ces années. On va appeler Clotilde Courau à nous rejoindre sur cette scène. On se retrouvera bientôt à l'Odéon ailleurs. La voilà. C'était Voix de femme. Clotilde Courau lisait des extraits de Composition française et Les mots des femmes de Mona Ozouf, publié aux éditions Gallimard. Enregistrement public le lundi 15 juin 2015 à l'Odéon Théâtre de l'Europe. Remerciements à Pascal Bramy et à l'équipe de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Remerciements à Caroline Oisana, conseillère littéraire à la fiction de France Culture. Équipe de réalisation, Adrien Gaza, Pierre Costard, Émilie Couette, Louise Loubrieux et Baptiste Guiton.